إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 13 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha. Al-Usul al-Thalatha, étant donné qu'il y a un frère qui est nouveau, qui commence à assister au cours, on va faire une petite explication en fait. Qu'est-ce que c'est Al-Usul al-Thalatha? C'est l'explication des trois fondements de l'islam. Qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et quelle est sa religion. Donc on fait un résumé sur ces points-là. Mais avant, bien entendu, d'arriver dans l'explication des trois fondements, il y a une introduction qui a été faite par l'auteur du livre qui s'appelle le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Et dans cette introduction-là, qui est en trois parties, il explique certains des fondements de la croyance islamique et des fondements de la Aqida. On en a vu déjà deux parmi les points de l'introduction. Là, on est dans la troisième, où il explique l'importance du tawhid et sa signification de façon résumée. Donc on est dans cette partie-là maintenant, où il explique qu'est-ce que c'est la religion d'Abraham. La religion d'Abraham, c'est-à-dire d'adorer Allah seul et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah par les hommes. Peu importe qu'est-ce que ça peut être. Hein? Et on a mentionné au dernier cours certains autres éléments qui font partie de la religion d'Abraham, qu'on appelle Al-Hanifiyyah. Al-Hanifiyyah, c'est la religion d'Abraham qui consiste à adorer Allah seul et à rejeter le shirk, c'est-à-dire rejeter le fait d'associer avec Allah des partenaires et des associés dans l'adoration. Donc, le tawhid, c'est l'unicité d'Allah, le fait de dire que Allah est unique et c'est lui seul qui mérite d'être adoré. D'accord? Donc, Inch'Allah, si jamais, en principe, comme on a expliqué au début des cours, si quelqu'un assiste au cours, c'est bien qu'il vienne avec une feuille et un cahier, des cahiers ou bien des stylos pour prendre des notes. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça permet à quelqu'un de noter et de mémoriser plus facilement les points importants puis les preuves qu'on mentionne pour chaque question. Comme ça, la personne, quand elle entend ça, ça reste plus facilement, puisqu'il a il a enregistré, il a écrit, il a noté l'information. Donc, il ne va pas le perdre. Donc, ça, c'est très important. Pour les personnes qui veulent juste assister, wa alaykum salam wa rahmatullah, pour les personnes qui veulent juste assister, écouter et profiter quand même, sans nécessairement prendre des notes, ça aussi c'est bénéfique aussi, c'est important aussi, c'est bénéfique aussi, c'est intéressant, mais si vous voulez profiter plus, moi je vous encourage et je vous conseille d'essayer de prendre des notes. Et ça c'est quelque chose qui va vous permettre de profiter plus encore. Il y a le livre Al-Usul al-Thalatha. Il est pas gros, c'est cette feuille là, c'est cette feuille recto verso. Le livre de Al-Usul al-Thalatha, il est au complet dans ces deux pages là, tu vois. Sauf que on est en train de lire les explications des savants au sujet de ce livre. Donc à l'origine, ces deux pages, soit recto verso. Mais étant donné que ces points-là sont résumés, des fois on a besoin de rajouter des explications. Et c'est pour cette raison-là que certains savants de l'islam ont écrit ont fait des cours ou ont fait des audios, des cours ou des livres pour élaborer sur chacun de ces points qui sont mentionnés dans le livre pour que ce soit plus clair. Et donc c'est ça qu'on est en train de lire ensemble, c'est l'explication de Al-Usul al-Thalatha par le Cheikh Saleh Al-Fawzan. Donc ça c'est pour comprendre un peu qu'est-ce qu'on fait. Puis celui qui a le livre, déjà il a été traduit, moi-même j'ai fait une traduction de Al-Usul al-Thalatha, elle est disponible sur le site Salafi de Montréal. Sinon, Inch'Allah, si quelqu'un désire une copie, hein, on peut s'arranger pour faire une copie imprimée pour que la personne puisse suivre le texte de base. Puis, c'est toujours bien également d'essayer, en dehors des cours, de réécouter les cours qui sont enregistrés, parce qu'on les a enregistrés, ils sont sur le site Salafi de Montréal, donc de les réécouter, même les cours que par exemple quelqu'un n'a pas entendu parce qu'il n'était pas là, il peut retourner écouter les anciens cours et les reviser ou prendre des notes à la maison s'il veut, et également essayer de mémoriser les versets et les hadiths qui sont mentionnés comme preuve pour faire en sorte que cette connaissance-là elle reste avec lui. Puis après, il est capable de les utiliser par la suite pour expliquer aux autres qu'est-ce qu'il a compris de ces preuves-là, et également pour essayer de se protéger lui-même dans sa connaissance, dans sa pratique, pour que quand il pratique l'islam, sa pratique est basée sur une science, sur quelque chose de solide, et non pas juste sur des choses que tu dis, ah j'ai entendu, un tel a dit, mais tu sais pas vraiment d'où est-ce que ça vient, qui a dit quoi, et est-ce qu'il y a des preuves. Donc ta religion, elle doit pas être basée sur des rumeurs, ou sur des choses que tu penses, hein, ou des choses que t'es pas certain. Il faut que ce soit certain, il faut que t'aies des preuves du Coran et de la Sunna pour les supporter. Donc on commence à l'endroit où on avait arrêté la dernière fois, c'est la partie où le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا. C'est-à-dire, on avait parlé au dernier cours que Allah, hein, il nous a ordonné qu'on l'adore lui seul et qu'on lui voue un culte pur. C'est-à-dire qu'on l'adore lui seul et qu'on adore personne d'autre avec lui. Et que notre adoration pour lui soit pure et sincère. C'est-à-dire qu'on doit adorer Allah seul. Et c'est ça que Allah a ordonné à tous les hommes, sans exception. Tous les hommes sur la terre, ils ont été ordonnés de faire ça. C'est-à-dire d'adorer Allah seul et de ne rien associer avec lui. Et c'est pour cette raison-là que Allah nous a créés. Il nous a créés pour ça, pour qu'on l'adore. D'accord ? Et ça c'est important de le comprendre et de le connaître. Le Cheikh explique à ce sujet-là, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهِ الْإِشَارَةُ تَرْجِعُ إِلَىٰ قَوْلِهِ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهِ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ أي بِعِبَادَةِ اللَّهِ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ الْخَلْقِ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ أَبْيَضَهُمْ وَأَسْوَدَهُمْ كُلَّ النَّاسِ من عهد آدم إلى آخر بشر في الدنيا كلهم أمرهم الله بعبادته مع الإخلاص في العبادة. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا شبيه له ولا نظير له ولا كفء له فهذا نهي عن الشرك الأكبر وعن الشرك الأصغر أمر الله بذلك جميع الناس من أولهم إلى آخرهم. Donc le Cheikh il dit, là j'explique qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que j'ai lu. Le Cheikh il dit c'est ça ce que Allah a ordonné. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire le Cheikh que c'est ça, c'est-à-dire d'adorer Allah seul et de lui vouer un culte pur et exclusif, c'est-à-dire de l'adorer que lui et lui seul. c'est-à-dire d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, et c'est ça que Allah a ordonné à toutes les créatures, à toutes les créatures et à tous les hommes. Il a ordonné à tous les hommes, qu'ils soient arabes ou non arabes. Hein, c'est pas seulement pour les arabes, c'est pour les arabes et pour les non arabes. C'est pour les blancs et les noirs. C'est pas seulement pour une couleur en particulier. C'est tous les peuples sur la terre, toutes les couleurs. Hein? Et tous les hommes en entier, depuis l'époque de Adam, le premier être humain sur la terre, jusqu'au dernier homme qui va vivre dans cette dunya, ils sont tous ordonnés, hein, d'adorer Allah seul et de lui vouer un culte exclusif et de purifier leur adoration pour lui. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le verset 21 et 22 dans Sourate Al-Baqarah. Il dit: ô vous les hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé et qui a créé ceux qui étaient là avant vous, c'est-à-dire les hommes qui ont vécu avant vous, pour que vous puissiez atteindre at-taqwa, pour que vous puissiez avoir at-taqwa. La'allakum tattaqoun. At-taqwa, c'est quoi? C'est de faire ce que Allah nous ordonne et de s'éloigner de ce que Allah nous a interdit dans le but de se protéger du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. At-taqwa, c'est ça. Tu fais ce que Allah t'ordonne de faire et tu t'écartes de ce que Allah t'a interdit de faire par crainte du châtiment d'Allah et par espoir en son paradis. Hein? C'est ça, at-taqwa. Donc, ensuite il dit: celui qui a créé, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a fait pour vous de la terre un tapis et du ciel comme un toit, et qui a fait descendre du ciel une eau, c'est-à-dire la pluie, par laquelle il fait sortir toutes sortes de fruits comme subsistance pour vous. Alors ne lui donnez pas des égaux alors que vous savez. Ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux dans l'adoration, alors que vous savez qu'il n'a aucun égal, qu'il n'a aucune ressemblance, qu'il n'a pas d'équivalent et qu'il n'a pas de ressemblance, hein, qu'il n'y a pas de pareil à lui. Bon, puisque vous savez qu'il n'a pas rien d'égal à lui, qu'il n'y a rien qui lui ressemble, qu'il n'y a rien qui est pareil à lui, qu'il n'y a rien qui est équivalent, alors pourquoi vous lui donnez des égaux? Ne lui donnez pas des égaux dans l'adoration. N'adorez pas d'autres avec lui. Et ça, c'est une interdiction de commettre le shirk. Une interdiction de commettre le shirk majeur et une interdiction de commettre le shirk mineur également. Hein? Parce qu'il y a différents degrés de shirk. Wa alaykum salam wa rahmatullah. MashaAllah. Al-Hajj Mukhtar. MashaAllah, tabarakallah. الله أمر بذلك جميع الناس من أولهم إلى آخرهم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à tous les hommes, du premier au dernier, de respecter ça, d'adorer Allah seul, de ne rien associer avec lui, de ne pas commettre aucune forme de shirk, que ce soit majeur ou mineur. وقوله وخلقهم لها أي لعبادته وحده لا شريك له خلقوا من أجلها كذلك كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أمروا بذلك في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. Donc le cheikh, il dit que c'est pour cette raison là qu'il nous a créé, c'est pour ça qu'il nous a créé. Allah, il nous a créé sur la terre pour qu'on l'adore, et donc pour qu'on adore lui seul et qu'on n'associe rien avec lui. C'est pour cette raison-là qu'on a été créé. Comme Allah il le mentionne dans le verset 56, dans Surat Al-Zariyat, il dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. On n'a pas été créé pour autre chose. Malgré qu'on voit beaucoup d'êtres humains actuellement sur la terre, ils ne savent même pas pourquoi ils vivent. Ils ne savent même pas pourquoi ils ont été créés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné dans le Coran la raison pour laquelle il nous a mis dans ce monde, la raison pour laquelle il nous a créé. Hein? Il nous a créé pour qu'on l'adore lui seul. Hein? et pour qu'on n'associe rien avec lui. C'est le but de notre existence. D'accord? Et donc, il nous a ordonné qu'on l'adore lui seul dans le verset 21 dans Surat al-Baqarah qu'on a lu tout à l'heure. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé. Donc, ça c'est l'explication de la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il dit, هذا معنى قول الشيخ خلقهم لها وأمرهم بها جمع الأمرين في قوله وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس الله هو الخالق هو الذي خلق الأشياء كلها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومن ذلك أنه خلق الجن والإنس وأعطاهم العقول وكلفهم بعبادته وحده لا شريك له وخصهم بالأمر بعبادته لأن الله أعطاهم عقولا وأعطاهم ما يميزون به بين الضار والنافع والحق والباطل وخلق الأشياء كلها لمصالحهم ومنافعهم. Donc, qu'est-ce qu'il dit maintenant, les cheikhs? Il résume qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure. Que on a donc été créé, le cheikh, la signification de la parole du cheikh, qu'il nous a créé pour cela, c'est-à-dire pour qu'on l'adore lui seul et pour qu'on n'associe rien avec lui. Et c'est cela qu'il nous a ordonné. Ça veut dire qu'il a réuni entre les deux choses. Il nous a ordonné d'adorer Allah seul, et c'est pour cette raison-là qu'il nous a créés. Et le verset qui prouve ça, c'est quoi? Hein? On l'a mentionné tout à l'heure, c'est la preuve qui est mentionnée dans Surat Al-Dhariyat, le verset 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est pour cette raison-là qu'il nous a créés. Donc, quand il dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes », ça veut dire que Allah, c'est lui le créateur. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, le créateur, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui a créé toutes choses. Et parmi les choses qu'il a créées, il y a les djinns et les hommes. Et il leur a donné une intelligence, une raison pour réfléchir. Et pour distinguer entre les choses, pour être capable de comprendre. Et également, il nous a donné comme responsabilité et comme devoir et comme tâche à accomplir le fait d'adorer Allah, lui seul, et de ne rien associer avec lui. Et il leur a donné cet ordre particulier de l'adorer. Parce que Allah leur a donné la raison et leur a donné qu'est-ce qui pourra les aider à distinguer entre qu'est-ce qui est nuisible et qu'est-ce qui est bénéfique. Avec la raison qu'Allah nous donne, qui nous permet de distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et faux, hein, de reconnaître la véracité de la révélation d'Allah, puis par la suite qui nous permet, hein, de distinguer entre qu'est-ce qui est bénéfique et qu'est-ce qui est nuisible, entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, et il a créé tout ce qui existe pour notre bien et pour notre intérêt. D'accord? Le cheikh il dit ensuite, قال تعالى, la preuve que Allah a créé tout pour nous, tout ce qui est dans le monde autour de nous, il a été créé pour nous servir, pour notre bien. Il mentionne le verset 13 dans Surat Al-Jasiyah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه كل مسخر لبني آدم من أجل أن يستعينوا به على ما خلقوا من أجله وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc le cheikh il explique dans ce verset, dans le verset qu'il mentionne, le verset 13 dans sourate Al-Jathiyah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il a assujetti pour vous tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et tout vient de lui. Tout ce qu'il a créé dans les cieux et la terre, ça vient de lui, et il l'a créé pour nous servir. Donc on voit que tout ce qui est créé autour de nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mis à notre service, et pour qu'on puisse l'utiliser pour qu'on puisse adorer Allah subhanahu wa ta'ala par la suite. Donc tout ça que Allah nous a mis sur, à notre disponibilité pour qu'on puisse l'utiliser pour faciliter notre adoration, pour faciliter le but de notre existence. Et c'est pour ça qu'on prend, on trouve dans les choses qui nous entourent dans notre vie, qu'on est capable de l'utiliser, de le transformer, de le manier pour arriver à faire des choses avec qui sont bénéfiques pour nous et qui nous facilitent la vie, puis qu'on peut par la suite utiliser pour faciliter notre adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait pour nous. Il a assujetti pour nous les animaux domestiques qu'on est capable d'apprivoiser, qu'on est capable de garder pour utiliser leur peau, leur lait, leur viande, et par la suite qu'on est, on est capable d'utiliser également pour les faire travailler pour nous, pour faire des travaux difficiles. Hein? Et par la suite, maintenant, on est capable même de manier différentes matières, différentes choses, transformer ces choses-là pour en faire des moyens de transport ou des outils ou toutes sortes de choses qui nous facilitent la vie. Tout ça, c'est dans le but de nous faciliter l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Bien entendu, pour les koufars, ils réalisent pas la sagesse derrière ça, et eux, ils pensent pas à adorer leur créateur, puisqu'ils pensent qu'ils ont été créés uniquement pour s'amuser, ou bien pour passer le temps, ou bien pour jouir de leur plaisir éphémère. Et quand ils meurent, ils pensent que c'est la fin, qu'après la mort, il n'y a rien. Ils savent pas qu'il y a un jugement, qu'il y a une résurrection, qu'il y a un châtiment, qu'il y a un paradis. Ça, ils sont pas conscients de ça, et ils ne veulent pas entendre parler de ça parce qu'ils veulent suivre leur désir seulement. Hein? Et ça, c'est dommage pour eux parce qu'on va tous mourir. On va tous mourir. Et peu importe comment quelqu'un veut s'amuser, il y a toujours une fin à son plaisir. Donc, si c'est ça le but de son existence, alors son but, il est limité. Il est fin. Hein? Il y a une fin à son but. Et cette fin-là, après, c'est fini. Donc, c'est quelque chose qui est limité, et c'est quelque chose qui fait que l'être humain, s'il pense comme ça, il est mécréant, il ne croit pas en l'au-delà, donc il vit une vie incomplète. Il ne sait pas qu'il y a quelque chose qui vient après qui va lui permettre, s'il est croyant et s'il obéit à Allah et s'il a une bonne aqidah, qui va lui permettre de pouvoir profiter de tout ce qu'il aime, de bon et de bien, à l'éternité. Sans limite, sans fin. Ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est le vrai but de l'existence. Mais pour le kafir, non. Pour le kafir, c'est profiter le plus vite possible du plus de ce qu'il est capable de profiter dans cette dunya jusqu'à ce qu'il meure. Hein? Et il ne sait même pas quand il va mourir. Donc, ça peut arriver aujourd'hui, ça peut arriver demain. Mais ça, c'est le but de l'existence du kafir, satisfaire ses désirs comme un animal. Hein? Tandis que le mu'min, non. Hein? Le mu'min, il vit pour Allah et pour obéir à Allah. Donc, Allah, il nous a créés pour qu'on l'adore. Et c'est ça le but de notre existence. Et il a créé les djinns et les hommes pour ça. Et les djinns, c'est, le shaykh, il dit, wal djinn alimun min alim al-ghayb. La narahum. وهم مكلفون بالعبادة ومنهيون عن الشرك وعن المعصية مثل بني آدم ولكن يختلفون عن بني آدم في الخلقة. Pourquoi j'ai insisté sur la question de parler pourquoi les kuffars, eux, ils savent pas pourquoi ils existent et pourquoi ils vivent, et que le mu'min, le croyant, lui, il sait pourquoi il existe et pourquoi il vit. C'est parce que quand on grandit dans ce pays ou dans cette société, qu'on va à l'école ici, qu'on grandit dans ce pays, qu'on va travailler par la suite, qu'on devient un adulte ici, eh bien, jamais on nous parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais on nous parle du but de notre existence. Jamais on nous parle de la raison que c'est Allah qui a créé ce monde et qui nous a créé pour qu'on l'adore. En fait, tout ce qui est autour de nous dans la société, c'est pour nous faire oublier ce but-là de notre existence. Donc c'est comme si on est en train de vivre dans une société. Pour la vérité, eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Te faire oublier le but de ton existence. te détourner du but de ton existence, pour que au lieu que tu adores Allah seul, tu adores tout autre que Allah, et que tu vives pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vis pour ton travail, tu vis pour ton argent, tu vis pour tes désirs, t'amuser, des choses comme ça, pour manger ou boire ou dormir, rien d'autre. Et t'oublies ton créateur. Et c'est pas quelque chose qui se fait comme ça d'un individu à l'autre, non. C'est une institution, un système qui est établi comme ça. Avec le but de t'égarer du droit chemin. Avec le, pour, un système qui a pour but de te faire devenir mécréant. C'est ça leur objectif numéro un. C'est comme si on dirait que le shaitan, il a installé ce système-là pour éloigner les hommes du chemin d'Allah. Et maintenant, ils sont en train d'appeler tout le monde à respecter et à suivre ce système, même les musulmans. Donc, c'est pour cette raison-là que c'est important de ramener les musulmans à la compréhension de ce verset, qu'on a été créé uniquement pour adorer Allah, et que si on établit un système sur la terre, il faut que ce système-là vienne respecter ce verset. Il faut que ce système-là vienne nous faire comprendre que le but de notre existence, c'est d'adorer Allah avant tout. Et donc, ce système-là doit servir l'adoration d'Allah. S'il ne sert pas l'adoration d'Allah, il n'est pas correct, ce système et cette organisation-là. Donc, il faut mettre la priorité dans tout sur le fait d'établir l'adoration d'Allah et de ne rien associer avec lui, et qu'on a été créé pour cette raison-là. Maintenant, le cheikh, ensuite, il dit que le monde des djinns, c'est un monde invisible, qu'on ne peut pas voir. Donc, il y a un autre monde qui vit en parallèle de notre monde à nous, qui est invisible. On ne peut pas les voir, les djinns, ils sont cachés de nos yeux. Et la même façon que nous, ils ont été chargés d'adorer Allah eux aussi. Et ils ont eux aussi été interdits de commettre le shirk et de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, comme les fils d'Adam. Toutefois, ils sont différents des fils d'Adam dans leur création, c'est-à-dire leur... Allah les a pas créés de la même manière que les fils d'Adam. Ils sont différents. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il mentionne que les djinns sont créés de feu. Les djinns sont créés de feu, et les êtres humains sont créés de terre à l'origine de leur création. Hein? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc les djinns à l'origine sont créés de feu, et les hommes sont créés de terre. Ça, c'est une différence entre les hommes et les djinns. D'accord? Et les djinns sont invisibles, on ne peut pas les voir. Malheureusement, comme ça, justement, il y a des gens parmi les êtres humains, ils ont pris les djinns comme des divinités, comme des dieux, ou comme des esprits qu'ils prennent comme des intermédiaires entre eux et Allah. Et ils les adorent, ils leur offrent des prières, ils leur demandent des choses en dehors d'Allah, et il y en a qui les utilisent pour faire de la magie, des choses comme ça. Ça, c'est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la différence, donc, c'est que ces djinns-là, des fois, quand certains hommes rentrent en contact avec des djinns, c'est pour faire, là, ils font de la sorcellerie ou de la magie avec ça. Ça, c'est haram, ça, c'est shirk. Hein? C'est pas permis. Et en même temps, ils ont des capacités que les hommes n'ont pas. Ils ont des capacités, les djinns, que les êtres humains n'ont pas. Sont capables de faire des choses que les hommes ne sont pas capables de faire, parce qu'ils sont plus forts que les hommes, ils sont plus rapides aussi. Et les mauvais parmi les djinns sont des diables. Les mauvais, les mécréants parmi les djinns sont des diables, c'est eux les diables. Et Iblis, la'anahullah, c'est lui qu'on appelle le shaitan, c'est un djinn. Hein? C'est un djinn. Donc le cheikh, oui, tu voulais poser une question? C'est les diables, oui. Les autres, ce sont des djinns. En français, on dit djinns souvent. C'est-à-dire que les djinns, parce que souvent le démon, c'est les diables. On les appelle les démons, les diables, on les appelle des démons. Mais il y a les bons djinns qui sont des musulmans, qui croient en Allah, qui prient, qui jeûnent, qui font le hajj, qui font hein, tout ce que Allah a ordonné et son messager, parce qu'ils croient au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ils croient au Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mentionné ça dans le Coran, dans Surat Al-Jinn. Il y a une Surat dans le Coran qui s'appelle Al-Jinn. Et également dans Surat Al-Ahqaf, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans cette Surat qu'il y a un groupe parmi les djinns qui ont entendu la récitation du Coran et qui ont accepté la da'wah du prophète quand ils ont entendu le Coran. Donc ça, c'est pour dire qu'il y a des djinns qui sont musulmans, eux ce sont des croyants, et il y a des djinns qui sont des koufars, il y a des djinns qui sont des juifs et des chrétiens, il y en a qui sont d'autres croyances, d'autres formes de religion qui sont égarées aussi. Puis les mécréants parmi les djinns, comme je disais, sont des... C'est-à-dire les chrétiens ne connaissent pas les djinns, ils n'entendent pas vraiment parler des djinns. Parce que les chrétiens, pour eux, les diables, c'est les anges qui ont tombé, qui sont devenus mauvais. Eux, les chrétiens, ils pensent souvent que les démons sont une autre créature, soit qu'ils sont une autre créature, ou soit que ce sont des mauvais anges, des choses comme ça. Hein, ils ont même des histoires comme ça qu'ils racontent au sujet de certains anges qui sont devenus des diables. Toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a réfuté cette idée. Il a expliqué que le shaitan, le diable, c'est pas un djinn, c'est pas un ange. Le shaitan, c'est pas un ange. Il a expliqué que le shaitan, c'est un djinn. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Al-Kahf justement, يعني وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. Ça veut dire, lorsque ton Seigneur a dit aux anges hein, de se prosterner, donc ils se sont prosternés, excepté Iblis. Et il était du nombre des djinns. Et il s'est hein, opposé, hein, rebellé contre l'ordre de son Seigneur. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah. Donc, ça c'est la preuve qu'il n'est pas un être humain, il est un djinn. Vous avez une question? C'est ça. Donc la réponse à cette question, est-ce qu'il y a des mauvais anges, c'est que non, il n'y a pas des mauvais anges. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran que tous les anges sont obéissants à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne peuvent pas désobéir à l'ordre d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au sujet des anges, « La ya'asuna Allah ma amarahum » Ils ne désobéissent pas à l'ordre que Allah leur donne et ils font ce qu'ils sont ordonnés de faire. Donc, il n'y a pas de mauvais anges ou d'anges yani, qui ont, disons, tombé ou qui sont chutés, comme on dit. Il n'y a que des anges qui sont obéissants à Allah. C'est le djinn, parce que le djinn, il est comme l'être humain d'une certaine façon, puisqu'il a la liberté de choisir entre le bien et le mal. Hein? Il a une liberté de choisir entre le bien et le mal. Il a une volonté, une capacité. Et donc, il est éprouvé comme les êtres humains sont éprouvés. Et ils seront jugés comme les êtres humains seront jugés au jour de la résurrection. Et c'est eux que les hommes ont pris comme des intermédiaires, des fois, entre eux et Allah pour adorer Allah en leur offrant des actes d'adoration, comme ça se fait dans plusieurs cultures, des gens qui adorent des esprits ou des djinns ou des shayatins, hein, c'est ça qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ensuite le shaykh il dit « Amma min nahiyatil awamir wa nawahi fahum mithlu bani adam ma'mourun wa manhiyun wal djinnu alamun min alamil ghayb la narahum walakin » ولكنهم موجودون لا نراهم ولكنهم موجودون. Donc le cheikh il dit, sur le plan des ordres et des interdictions, les djinns sont comme les fils d'Adam, les êtres humains, ils sont comme les fils d'Adam, du fait qu'ils sont ordonnés de faire ce qui est obligatoire et interdits de faire ce qui est hein, interdit. Et les djinns donc sont un monde invisible qu'on ne peut pas voir, mais qui existe. Qui existe. Et le Cheikh, il dit ensuite, وَالْإِنْسِ هُمْ بَنُوا آدَمْ سُمُّوا بِالْإِنْسِ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ يَأْنَسُ بِبَعْضٍ يجتمعون ويتألفون والجن سموا جنا من الاجتنان وهو الاختفاء وهو ومنه الجنين في البطن لأنه مختف والجنة وجنه الليل إذا ستره والمجن ما يتخذ للوقاية به في الحروب من السهام وغيرها فهو يستر حامله فالاجتنان والجنان هو الشيء الخفي المستتر فالجن مستترون عنا ولا نراهم مستترون عنا لا نراهم وهم عالم موجود من أنكرهم فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله ولإجماع المسلمين فقد بين الله عز وجل أنه لم يخلق الجن والإنس إلا لعبادته لا لشيء آخر. Donc le Cheikh explique que comme il dit que les fils d'Adam eux par contre sont des êtres humains, al-ins en arabe, on dit al-ins. Al-ins c'est le pluriel et ou bien c'est disons la catégorie ou la sorte et le singulier c'est al-insan. Insan, ok. Et on dit donc que les fils d'Adam, en arabe, on les appelle al-ins. Al-jin, c'est les djinns, le monde des djinns, et al-ins, c'est le monde des hommes. On les appelle ins en arabe parce que le cheikh il dit parce que ba'dhum ya'nasu ila ba'd. Les êtres humains, on les appelle comme ça. Pourquoi en arabe ins? On les appelle ins parce que ya'nasu, ça vient du verbe ya'nasu, qui veut dire ils aiment se rassembler, être entre eux, être bien les uns avec les autres, hein, rapprocher les uns avec les autres et vivre ensemble. Hein? Ya'nasu. Ya'nasu. Il faudrait que je l'écrive sur le tableau. J'ai pas le tableau. Le frère, il l'a pas ramené. Ah, là-bas? Ok. Minal onus. Donc, c'est ça. Ça veut dire qu'ils aiment se réunir ensemble et se rapprocher les uns les autres. Bon. On appelle djinn. Pourquoi on l'appelle djinn? Le djinn, on l'appelle djinn parce que ça vient de, en arabe, al-ijtinan, qui veut dire al-ikhtifa. Bon, on va pas écrire tous les mots, mais si vous voulez, on peut écrire al-irtifa. Non, ça c'est ya'nasu, c'est pour l'être humain. Là, on parle du djinn. Ok, khafi al-irtifa. Ça veut dire quelque chose qui est caché, qui se cache. Hein? Quelque chose qui se cache. Et le mot djinn, ça vient de ça. Hein? Ça vient de cette racine. C'est pour ça qu'en arabe, on appelle le bébé dans le ventre, on l'appelle al-djanin. Ok? Je vais l'écrire ici. Ok. Al-djanin. On peut voir que le djinn et les deux nouns sont présents. Parce que l'origine du mot djinn, c'est les trois lettres. En arabe, djinn, nun, nun. Ok? Djinn, nun, nun, ça c'est l'origine du mot djinn. Les trois lettres qui forment la racine du mot. Et de cette racine, on peut faire tous ces mots-là. On peut faire al-djanin, on peut faire le djinn, on peut faire al-ijtinan et toutes ces choses-là, donc c'est ça. Al-majnoun, pourquoi on dit la personne qui est fou, hein, ou qui est folle, la personne qui est folle, on dit qu'elle est majnoun, soit parce qu'elle a été touchée par un djinn, ou bien parce que sa raison, elle est partie. Donc, sa raison est, hein? Donc, sa raison est partie. Donc, c'est ça. Elle a été touchée par un djinn. On dit qu'elle est devenue folle. On appelle aussi, on dit que Jannahul Layl, c'est-à-dire quelqu'un, comme c'est quelque chose qui a été caché par la nuit, on dit Jannahul Layl, la nuit l'a recouvert, hein, par l'obscurité et la noirceur. Al-Mijan, on utilise des fois le terme Junna ou bien Mijan pour désigner un bouclier qu'on utilise dans la guerre, pour se protéger contre les flèches des ennemis. On utilise un bouclier qu'on appelle en arabe Mijan. Al-Mijan, non. Si on enlève le... Al-Mijan. Tayyib. Donc, c'est ça, Al-Mijan. Et également, donc, on a expliqué au dernier cours, ou le cours avant, Al-Janna. Pourquoi on l'appelait Janna? On disait que c'était Al-Bustan. Al-Janna, c'est le paradis. Hein, c'est comme ça vient du mot jardin. Puis on l'appelle Janna. Pourquoi? Parce qu'il est entouré d'arbres. Donc il est caché par les arbres. Ok? Et donc c'est ça. La chose qui est cachée, on l'appelle Yani, comme on dit. Yani. On dit que il est caché, donc c'est pour ça qu'on l'appelle le djinn. Le djinn, on l'appelle djinn parce qu'il est caché de notre regard. Donc le cheikh, il dit que c'est un monde qui est caché, mais qui existe. Et celui qui nie l'existence de ce monde, il est kafir. Celui qui nie l'existence du monde des djinns, il est kafir. Il ne croit pas en l'islam. Il n'est pas croyant. Il n'est pas musulman. Parce qu'il démentit ce que Allah et son messager ont dit. Et il renie également le consensus des musulmans, c'est-à-dire le consensus des sahaba et ceux qui les ont suivis par la suite sur cette croyance-là. Donc celui qui rejette le Coran et la Sunna et l'ijma', il est kafir, il n'est pas musulman. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a expliqué donc dans le Coran qu'il n'a créé les djinns et les hommes que pour qu'on l'adore. Et pas pour autre chose. Donc la raison pourquoi on est créé sur cette planète, sur cette terre, on existe pourquoi? Pas pour compter les jours, on existe pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Allah nous a mis ici. فَهُوَ لَمْ يَخْلُقْهُمْ لِأَجْلِ أَنْ يَنْفَعُوهُ أَوْ يَضُرُّوهُ أَوْ يَعْتَزُّ بِهِمْ مِنْ ذِلَّةُ أو يعني يتكثر بهم من قلة لأنه غني عن العالمين ما وما خلقهم لحاجة إليهم وما خلقهم لأجل أن يرزقوه أو يكتسبوا له الأموال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Donc le cheikh, il dit que Allah il nous a pas créé parce que on va lui profiter en quelque chose ou on va lui nuire en quelque chose. On peut pas profiter à Allah en rien. Et on peut pas nuire à Allah subhanahu wa ta'ala en rien. Puisque, comme le cheikh il l'explique, Allah il est al-ghani. Il est celui qui se suffit à lui-même, qui est riche, absolument riche. Il n'a besoin de rien. Il n'a besoin de personne. Donc, il nous a pas créé parce que il veut de nous quelque chose de bien ou qu'il veut, yani, qu'on pense qu'on peut lui nuire ou quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de nous pour lui donner la force parce qu'il est faible ou bien de augmenter son nom par nous. Il n'a pas besoin de rien de ce genre. Il est ghaniyun 'anil 'alamin. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut absolument se passer de tout ce qui est dans l'univers. Il n'a besoin de personne, il n'a besoin de rien, il se suffit à lui-même, subhanahu wa ta'ala. Il ne nous a pas créés parce que lui, il a besoin de nous. Hein? Et il ne nous a pas créés pour que nous, on lui donne de la subsistance ou pour qu'on travaille pour lui amener des biens. Pas du tout. Même que Allah subhanahu wa ta'ala, justement, après avoir mentionné qu'il n'a créé les djinns et les hommes que pour qu'on l'adore, Il a dit par la suite, je ne veux pas d'eux aucune subsistance. Je ne veux pas d'eux de subsistance et je ne veux pas d'eux qu'ils me nourrissent. Allah, c'est lui qui est le pourvoyeur de subsistance et celui qui est détenteur de la force, l'inébranlable. Zul Quwwati al-Matin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a la force, c'est lui qui est détenteur de la force, c'est lui qui donne le risque, c'est lui qui donne la subsistance à sa création. Et il est, c'est lui qui donne, c'est pas lui qui reçoit quoi que ce soit, il n'a pas besoin de rien. Et si on adore Allah, il nous a créé pour qu'on l'adore, et s'il nous adore, c'est pour nous-mêmes qu'on l'adore. Si on l'adore, c'est pour nous-mêmes qu'on l'adore, c'est pas pour lui. Dans le sens que lui, il a pas, si on l'adore pas, lui, ça lui enlève rien. Ça va pas lui faire du tort. Et si quelqu'un désobéit à ses ordres, ça va rien lui enlever non plus. Si on désobéit aux ordres d'Allah et qu'on fait un péché, on se fait du tort à nous-mêmes. On se fait du mal à nous-mêmes. C'est pas à lui. Et si on obéit à Allah, on fait du bien à nous-mêmes. C'est pas à lui pour lui qu'on lui fait du bien à lui, non. Et le cheikh il explique ça, il dit فَاللَّهُ لَيْسَ بِحَاجَةٍ إِلَى الْخَلْقِ وَإِنَّمَا الْخَلْقَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَإِنَّمَا خَلَقَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ فَقَطْ وَهُوَ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَهُوَ لَيْسَ بِحَاجَةٍ إِلَى عِبَادَتِهِمْ وَإِنَّمَا هُمُ الْمُحْتَاجُونَ إِلَيْهَا لِأَنَّهُمْ إِذَا عَبَدُوا اللَّهَ أَكْرَمَهُمْ وَأَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةِ فَمَصْلَحَةُ الْعِبَادَةِ رَاجِعَةٌ إِلَيْهِمْ ومضرة المعصية عائدة إليهم فأما الله جل وعلا لا تضره طاعة المطيع ولا معصية العاصي قال سبحانه وتعالى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد الله لا يضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع وإنما هذا راجع إلى الخلق أنفسهم إن أطاعوه انتفعوا وإن عصوه تضرروا بمعصيته. Donc le cheikh il résume, il répète, où il explique le point clairement. Il dit que Allah il n'a pas besoin de la créature du tout. C'est la créature qui a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les djinns et les hommes, ils ont été créés pour une seule chose, c'est pour qu'on l'adore, c'est pour qu'on adore Allah seulement. Et lui, Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas besoin de notre adoration. Il n'a pas besoin de notre part qu'on l'adore. Ce sont nous les êtres humains, les créatures, les hommes et les djinns, qui avons besoin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on adore Allah subhanahu wa ta'ala, le résultat de ça, c'est qu'il va nous honorer. Et il va nous faire rentrer dans son paradis. Donc, c'est un bien qui revient pour nous. C'est un bien à nous, qui revient à nous, en premier. Et, donc, le cheikh, il explique que le bienfait de l'adoration, il revient à la créature elle-même. Et le mal de la désobéissance revient à la créature elle aussi, si elle désobéit à Allah. En ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, le fait qu'une créature obéissante l'obéisse ou qu'une personne qui est désobéissante lui désobéisse, ça ne lui nuit en rien et ça ne lui enlève rien. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate Ibrahim, le verset 8, dans sourate Ibrahim, il dit in takfuru antum وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Ça veut dire, si vous tous sur la terre, tous les êtres humains sur la terre en entier, vous rejetez la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, il est suffisant à lui-même, il est le riche, qu'il est le digne de louange. Il n'a besoin de personne. Il est Al-Ghani. Al-Ghani, ça veut dire quoi? Celui qui est riche, qui se suffit à lui-même, qui n'a besoin de rien, qui n'a besoin de personne, qui n'a besoin de quoi que ce soit. Donc, le fait que quelqu'un désobéisse à Allah, ça ne fait pas de tort à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça ne nuit pas à Allah subhanahu wa ta'ala en rien. Et le fait que quelqu'un obéisse à Allah, ça ne lui ramène rien non plus. Ça lui rajoute rien à lui. Il n'a pas d'intérêt là-dedans. Hein? C'est uniquement pour eux-mêmes, pour la créature elle-même qui veut se faire du bien. Elle obéit à Allah en faisant ça, elle se fait un bien à elle-même. Et si elle désobéit à Allah, elle se fait du mal à elle-même. Hein? Donc ça, c'est le point important à comprendre à ce sujet-là. Puis, ensuite, le cheikh, il dit, وَمَعْنَا يَعْبُدُونَ يُوَحِدُونَ. La signification, quand on dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, le mot يَعْبُدُونَ, le verbe à la fin, يَعْبُدُونِ, hein, pour qu'ils m'adorent, ça veut dire en réalité, لِيُوَحِدُونِ. يوحدون يعبدون يوحدون donc c'est-à-dire يوحدون ça veut dire quoi? Pour unifier Allah subhanahu wa ta'ala, pour établir l'unicité d'Allah et le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, de savoir que on adore que Allah et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah il est rejeté et on le refuse, hein? Donc le cheikh explique ça, il dit وقوله ومعنى يعبدون يوحدون أي يفردوني بالعبادة فالعبادة والتوحيد بمعنى واحد التوحيد يفسر بالعبادة والعبادة تفسر بالتوحيد ومعناهما واحد ففي هذا رد على من فسر التوحيد بأنه الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر فهذا ليس هو التوحيد الذي خلق الخلق من أجله وإنما خلق الخلق من أجل توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية أما من أقر بتوحيد الربوبية فقط فإنه ليس موحدا وليس من أهل الجنة بل هو من أهل النار لأنه لم يأتي بالتوحيد الذي خلق من أجله وهو العبادة. Donc ça c'est un point important que le cheikh explique maintenant. Il dit que la signification de qu'il m'adore, ça veut dire qu'il m'unifie dans leur adoration, c'est qu'il fasse que leur adoration soit uniquement pour moi seul et que elle ne soit pour rien d'autre que moi. Ça c'est la signification de يعبدون. Donc quand vous voyez dans le Coran, hein, Abdullah ibn Abbas il a dit ça, il a dit quand vous voyez dans le Coran la mention de l'adoration de al-ibada, ça veut dire le tawhid, ça veut dire le tawhid. Donc le cheikh explique donc yani, qu'il fasse que leur adoration soit exclusive pour moi seul. Donc l'adoration et le tawhid, al-ibada en arabe c'est l'adoration. Donc al-ibada et al-tawhid, l'unicité, ont la même signification. Le cheikh il dit, les deux ont la même signification. Hein? Donc on va écrire ces deux mots-là puisque ce sont des mots importants à connaître. Ok. Donc on a expliqué al-ibada, c'est l'adoration, et al-tawhid, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le verbe ibada, ça vient de abada ya'budu, qui veut dire adorer, hein? C'est le verbe abada ya'budu. Et le mot tawhid qui vient de wahada yuwahidu, tawhidan, qui veut dire d'unifier ou de rendre un. Et donc et le cheikh explique que ces deux mots-là, ils ont la même signification. La même signification. Donc, on peut expliquer le tawhid par l'adoration, et on peut expliquer l'adoration par le tawhid. Les deux ont la même signification dans l'islam. Et ça, ça vient réfuter ceux qui prétendent que, ou ceux qui expliquent que le tawhid, c'est de reconnaître que Allah est le créateur, le pourvoyeur, celui qui fait vivre et qui fait mourir et qui gère toutes choses dans l'univers. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand on leur demande qu'est-ce que c'est le tawhid ou qu'est-ce que c'est la foi en l'unicité d'Allah, ils pensent que ça signifie que tu dises que Allah c'est le seul créateur. Donc si tu leur demandes c'est quoi la signification par exemple dans l'islam de dire qu'on croit à un Dieu unique, eux ils pensent que ça veut dire que tu dois dire que Allah c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui est le seul maître de l'univers, c'est lui qui fait vivre, qui fait mourir et qui donne la subsistance aux créatures. Et ils pensent qu'en ayant compris ça ou en ayant dit ça, que ça c'est suffisant et qu'ils ont cru au tawhid d'Allah et qu'ils ont établi l'unicité d'Allah. Le cheikh, il est en train de répondre à ça et de dire que ça, c'est pas vrai. C'est pas ça la bonne compréhension du tawhid. Le tawhid, ça veut pas dire qu'il y a un seul créateur seulement, qu'il y a un seul maître seulement, que c'est lui seul qui a tout créé seulement. C'est pas suffisant de dire ça. Le tawhid, la réalité du tawhid, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu dois croire que c'est seulement Allah qui mérite d'être adoré et rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. Par contre, si tu dis que Dieu existe et qu'il est le seul et l'unique créateur et que c'est lui le seul maître de toutes choses, mais qu'en même temps tu pries à d'autres que Allah, tu pries à Jésus ou tu pries à Marie ou tu pries à une tombe ou à un saint ou à un mort et tu dis qu'il y a un seul Dieu qui a créé le monde, ça ne servira à rien au jour de la résurrection puisque tu n'as pas unifié Allah dans ton adoration. Tu continues à adorer des choses autres que Allah et ça c'est, ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que malgré que tu dis qu'il y a un Dieu unique, tu continues à commettre le shirk et à adorer d'autres que Allah. Donc, tant que tu n'as pas rejeté tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, parmi les choses qui sont adorées par les créatures, hein, parmi les mouchriquins, donc, dans ce cas-là, tu n'es pas encore quelqu'un qui a cru au tawhid correctement, et donc tu n'as pas cru encore en Allah et en l'islam. Pour que tu sois vraiment sur le tawhid, tu dois non seulement reconnaître que c'est lui le seul maître et le seul créateur, il faut que tu en même temps reconnaisses que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. D'accord? Donc ça c'est un point, un autre point que je vais rajouter ici, c'est qu'on le sait, il y a le tawhid, il est divisé en trois catégories. Le premier, je l'écris en arabe. Bon, ça c'est les trois catégories de tawhid. Tawhid al-Rububiyya. Rububiyya, ça vient de Rab. Rab qui veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, Rab, le Seigneur, le Maître. Ok? Donc, tu dois unifier Allah dans al-Rububiyya. Comment tu fais pour faire ça? Comment tu fais pour unifier Allah dans le fait qu'il est Rab? C'est que tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions. Dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas dire que c'est lui le seul qui a tout créé, le seul qui est le maître, celui qui fait vivre et qui fait mourir et qui contrôle tout dans l'univers. C'est la première catégorie de tawhid. La deuxième catégorie de tawhid, tawhid al-ibada, ou bien on peut dire aussi al-uluhiyya. Al-ibada, ça vient de abada ya'budu, comme on l'a dit, c'est l'adoration. Et al-uluhiyya, ça vient de al-ilah. Al-ilah. Ilah, qui veut dire la même chose que l'ibada. Al-uluhiyya, ça veut dire la même chose que l'ibada. Et quand on dit la ilaha illallah, les ulama ont expliqué que le mot ilah, hein, ilah, est égal à ma'boud. Ma'boud. Donc, le mot ilah signifie ma'boud. Donc, quand tu dis la ilaha illallah, ça veut dire la ma'boud bihaqqin illallah. D'accord? Il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. Donc, ça c'est la deuxième catégorie de tawhid. Comment on fait pour établir tawhid al-ibadah? Comment on fait pour unifier Allah dans l'adoration? C'est qu'on associe personne avec Allah dans l'adoration. On voue notre adoration, notre prière, notre jeûne, notre hajj, notre sacrifice, notre tawaf, tous nos actes d'adoration qu'on fait, notre amour, notre crainte, hein, notre espoir, on le met uniquement en Allah subhanahu wa ta'ala et on adore que Allah seul. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, on le renie, on le rejette. Ça, quand on a établi ça, on a établi Tawhid al-Ibadah. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ça le but de l'adoration. C'est ça le but du Tawhid. C'est ça l'objectif. C'est ça le cœur du Tawhid, c'est d'établir ça. D'établir l'adoration sur terre pour qu'elle soit uniquement pour Allah seul. D'accord? Mais il y en a parmi les. Bon, Al-Asma al-Sifat, ça veut dire que tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. C'est-à-dire que tu décris Allah tel qu'il s'est décrit lui-même et tu crois en tout ce qu'il a donné comme description, comme nom dans la révélation, dans le Coran et dans la Sunna. Et que tu vas pas faire des ressemblances entre le Créateur et la créature. Hein? Donc ça, c'est au sujet des noms et des attributs d'Allah. Ça aussi, c'est très important. Tu dois pas donner à une créature des attributs d'Allah ou donner à Allah des attributs de la créature. Hein, sinon, tu mélanges entre les deux et tu risques d'adorer des créatures au lieu d'adorer Allah. Hein, et d'offrir à autre que Allah des adorations. Donc, ça c'est très important, ces trois catégories de Tawhid. Mais comme le cheikh est en train de l'expliquer, il dit que, wa alaykum salam wa rahmatullah, que le Tawhid, le but du Tawhid et l'objectif du Tawhid, c'est pas seulement de reconnaître le premier, Tawhid al-Rububiyya. C'est pas seulement de dire Allah c'est le maître, le seul créateur et celui qui a tout créé. Puisqu'il y a plein de gens parmi les êtres humains aujourd'hui sur la terre, ils disent qu'il y a un seul créateur, qu'il y a un seul Dieu, puis qu'ils adorent des êtres humains, ou qu'ils adorent des statues, ou qu'ils adorent des idoles, ou qu'ils adorent des images. Et on voit par exemple les chrétiens, si on leur demande combien de dieux vous croyez, ils vont dire un. Hein? Ils disent qu'ils croient un dieu unique. Pourtant, ils prient à des morts, ils prient à des statues, ils prient à des croix, ils prient à des images, hein? Ils prient à des saints, et ils disent quand même que leur dieu est un dieu unique. Donc ça ne suffit pas juste de dire que ton dieu est un dieu unique et que c'est lui seul qui contrôle l'univers. Il faut en même temps que tu dises que c'est seulement lui qui mérite d'être adoré, que c'est seulement Allah qui mérite d'être adoré. Et que s'il y a quelque chose qui est adoré en dehors d'Allah, il faut le nier, il faut le rejeter, sinon on n'est pas considéré comme un mouahid. Et les mouchrikoun à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. Si tu demandes aux idolâtres de la Mecque, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens de la tribu de Quraysh qui priaient devant 360 idoles autour de la Kaaba, si on leur demande qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. Et malgré tout, Allah les appelle des mushrikoun. Pourquoi? Parce qu'ils croient en Tawhid al-Rububiyya, c'est-à-dire ils reconnaissent que c'est Allah le créateur et que c'est lui le maître absolu de tout. Sauf qu'ils prennent entre eux et Allah des intermédiaires et des intercesseurs dans l'adoration. Et ils disent que ce sont des shufa'a, des intercesseurs. Ou bien ils disent, ma na'abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. On dit, on les adore juste pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Donc, ça c'est leur shirk. Ils ont fait le shirk dans le deuxième catégorie de Tawhid. Ils ont fait le shirk dans Al-Ibadah, pas dans Ar-Rububiyyah. Et c'est pour ça que le fait de reconnaître Tawhid Ar-Rububiyyah sans avoir reconnu Tawhid Al-Ibadah, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que le cheikh ici, il dit que le fait de reconnaître le Tawhid d'Allah dans la souveraineté et dans le fait qu'il est Ar-Rab, le maître et le seigneur de tout, seulement ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est muwahid. Ça veut dire que quand tu as respecté la première catégorie de tawhid seulement, c'est pas suffisant pour être considéré comme étant sur le tawhid. Hein? Et le cheikh il dit, et ça ne fait pas de toi quelqu'un des gens du paradis. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un des gens du paradis. Et il dit, au contraire même, tu seras parmi les gens de l'enfer si tu a seulement appliqué cette catégorie-là, la première, Tawhid al-Rububiyya, et que tu n'as pas respecté la deuxième, qui est Tawhid al-Uluhiyya. Hein? Donc le cheikh, il dit, pourquoi ça fait que tu seras en enfer? Parce que tu n'as pas ramené le Tawhid pour lequel tu as été créé, c'est-à-dire l'adoration. Allah t'a créé pourquoi? Pour l'adoration. Donc tu dois unifier Allah dans l'adoration, dans l'ibadah. Et c'est ça le plus important. Hein? Donc maintenant, aujourd'hui, si tu vas dans des pays musulmans, dans certains pays musulmans ou la majorité des pays musulmans dans le monde, tu vas voir que des gens qui se disent musulmans et qui adorent autre avec Allah. Ils prient à des saints, ils prient à des tombes, ils prient à des morts et ils les prennent comme des intermédiaires entre eux et Allah et ils font le shirk. Ils égorgent des animaux au tombeau des saints, ils font le tawaf autour, ils tournent des cercles autour des tombeaux et ils les adorent en dehors d'Allah. Ils pensent qu'ils peuvent les guérir d'une maladie ou qu'ils peuvent leur donner le succès dans quelque chose de la dunya. Et ça, c'est du shirk. Hein? C'est du shirk. Et en arabe, comment on écrit shirk? C'est comme ça. Hein? Shirk, ça vient de trois lettres arabes. Shin, Ra, Kaf. Hein? Et donc, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un qui a commis le shirk, c'est-à-dire il a associé avec Allah dans l'adoration. Hein? Et donc, en faisant ça, hein, il a commis le plus grand péché et la plus grande injustice qui existe. Naam. Donc, ça c'est très important de comprendre ce point-là puisque c'est la base de l'islam. Tout ce qu'on explique là maintenant, ça, tout ça, c'est la base de la religion musulmane. C'est le cœur de la croyance islamique. C'est ce qu'on appelle le tawhid. Et que si quelqu'un n'a pas cru en ça et n'a pas bien compris ça, il n'est pas musulman, même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il fait le hajj, même s'il donne en aumône, même s'il donne la zakat, peu importe tout ce qu'il fait, des bonnes œuvres qu'il fait, s'il n'a pas compris cet aspect-là, tawhid al-ibadah, et qu'il ne l'a pas appliqué correctement, il ne sera pas considéré comme un musulman. Ok. Qu'est-ce que tu voudrais que je clarifie à ce sujet-là? Donc, pour que tu sois sur le tawhid, dans l'adoration, il ne faut pas commettre de shirk. D'accord? Aynam. C'est ça. Donc, un shirk, c'est quoi? Le shirk, il l'explique. Mais ça, c'est dans les... Le cours qui va être demain, on va expliquer ça en détail. Parce que le cheikh, il explique par la suite « وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدِ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ وَأَعْظَمُ مَا نَهَا عَنْهُ الشِّرْكِ وَهُوَ عِبَادَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ أَوْ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ. Donc c'est-à-dire que le shirk, c'est d'adorer d'autres que Allah. C'est ça que ça veut dire le shirk. D'adorer d'autres que Allah. Ou bien, d'offrir à autres que Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque parmi les formes d'adoration. D'accord? Donc si quelqu'un, par exemple, il prie au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait un dua au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oh Muhammad, aide-moi, guide-moi, fais-moi entrer au paradis, sauve-moi de mon malheur. Ça, c'est shirk avec Allah. S'il fait ça, il est mushrik. Il n'est pas muwahid. Pourquoi? Parce qu'il a demandé à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est shirk. Si quelqu'un, par exemple, il prie à Isa ou à Maryam, hein, ou bien à un autre saint parmi les saints, il demande de l'aider, de le guider, de lui donner, de le protéger. Il est mushrik. Il a commis un shirk. Il sort de l'islam. Il est plus musulman, même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il fait le hajj, même s'il donne la zakat, même s'il fait les cinq piliers, les quatre autres piliers de l'islam, s'il n'a pas respecté le premier pilier de l'islam, la ilaha illallah, il a commis le shirk, alors dans ce cas-là, les autres piliers ne servent plus à rien. D'accord? C'est compris? Ça, c'est très important. Et donc, dans le cours précédent, dans le cours qui va suivre, pardon, on va expliquer qu'est-ce que c'est le tawhid un peu plus en détail, et on va expliquer qu'est-ce que c'est le shirk un peu plus en détail, puis yani, par la suite on va expliquer dans al-usul al-thalatha les différentes sortes d'adoration, lorsqu'on va expliquer le premier fondement, on va expliquer les différentes sortes d'adoration, qu'est-ce que c'est les différentes sortes d'adoration, puis quand est-ce que ou les différents détails qui ont été mentionnés par les ulama au sujet de chacune de ces adorations-là, quand est-ce que c'est shirk akbar, quand est-ce que c'est shirk asrar, et quand est-ce que c'est pas dans ces catégories-là. Donc on va détailler là-dessus pour que ce soit plus clair. Mais là pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici, inshallah. Puis on continuera demain, bi'ibnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires ou des choses que vous voulez avoir plus d'explications, on peut inshallah rajouter des explications si vous voulez inshallah. Wa alaykoum salam. Oui, eux ils sont capables de nous voir, mais nous on n'est pas capables de les voir.